بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours de Umdat al-Ahkam avec le sharh de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Et on continue donc, on est arrivé au hadith. Donc c'est le cours 51 aujourd'hui. Et on est arrivé au hadith numéro 99. Donc ça fonctionne, on commence inshallah. Donc le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith 99 dans le sharh de Cheikh Al-Bassam rahimahullah. Et donc on va lire en premier le hadith. An Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala falawla sallayta bi سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري. Donc ce hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu, selon Jabir radiyallahu anhu, par l'imam al-Bukhari, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir, il a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, falawla sallayta bi sabbih isma rabbikal a'la. Donc il lui dit, pourquoi ne prierais-tu pas plutôt avec sabbih isma rabbikal a'la et wash-shamsi wa duhaha et wal-layli idha yaghsha, qui sont des sourates parmi les courtes parmi les mufassal qui sont à la fin du juz amma, et qui sont des sourates qui sont courtes, hein, et qui sont simples et faciles pour les gens. Donc il explique par la suite, après avoir mentionné ça, que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui mentionne ça, c'est parce que il y a des personnes derrière lui qui prient, hein, c'est-à-dire derrière Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, il y a derrière toi des gens qui prient qui sont âgés, c'est-à-dire des personnes qui sont des personnes âgées. Il y en a d'autres qui sont des personnes malades ou faibles. Il y en a d'autres qui sont des gens qui ont des occupations, hein, et qui ont des choses à régler, ils ont des besoins à gérer, des choses dont ils doivent s'occuper. Et donc, si la personne qui est imam récite une sourate qui est trop longue, eh bien, ça fait en sorte que ces personnes-là vont souffrir ou vont avoir de la difficulté à cause de ça. La personne âgée, elle est pas aussi forte physiquement, et la personne qui est faible, c'est-à-dire les enfants ou bien les personnes plus faibles physiquement, ils ont de la difficulté à endurer ça. De même que les gens qui ont des choses à régler, si quelqu'un il a un rendez-vous ou il a quelque chose, si la prière est trop longue, ça devient compliqué. Et la raison de ce hadith, c'est parce que Mu'adh radiyallahu anhu, il a récité sourate al-Baqarah, hein, parce que l'habitude de Mu'adh radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait la prière en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite quand il avait terminé, il retournait chez lui. Et une fois arrivé dans son quartier ou l'endroit où il habitait, il dirigeait la prière dans la mosquée de son quartier pour les gens du quartier où il habitait. Donc il finissait la prière en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il allait prier dans la mosquée de son quartier avec les gens de son quartier. C'est lui qui dirigeait la prière, donc il faisait l'imam pour eux. Et une fois il a récité par exemple pour la prière de Isha, il a récité surat al-Baqarah. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il a récité surat al-Baqarah, il y a un homme qui était derrière lui, qui priait derrière lui, et il a trouvé que c'était trop long, parce que al-Baqarah c'est une sourate qui est très longue. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti des rangs, puis il a terminé sa prière toute seule, puis il est parti. Hein? Et il est allé se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai prié derrière Mu'adh, qui dirigeait la prière, et il s'est mis à réciter surat al-Baqarah. Alors, à ce moment-là, yani, le Mu'adh est venu et il a dit, ô messager d'Allah, cet homme, il est sorti des reins, puis il a prié tout seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis dans une grande colère à ce moment-là contre Mu'adh. Hein? Il s'est mis en colère contre Mu'adh ibn Jabal. Et parmi les exemples de qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh. C'est-à-dire, est-ce que tu es un fattan ou Mu'adh, tu veux éprouver les gens dans leur religion, tu veux éprouver les gens dans leur religion ou Mu'adh, hein? Donc le fait de réciter une sourate aussi longue dans la prière, c'est quelque chose qui peut ou risque de faire fuir les gens de la mosquée, hein, faire fuir les gens de la prière en groupe, parce que les gens vont dire, ah, moi je veux pas aller à la mosquée, ou je veux pas aller prier en groupe, parce que cet imam, il récite des prières trop longues, et moi si lui il fait ça, moi je pourrais pas supporter, ou je peux pas endurer ça, parce que j'ai des choses à faire, je suis occupé, ou j'ai des occupations, ou j'ai des obligations, et je peux pas, hein, rester longtemps comme ça. Donc ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et on dit que ce jour-là, il s'est mis en colère lorsqu'il a donné l'exhortation à Mu'adh. On l'avait jamais vu en colère de cette façon, plus que dans ce moment-là. Donc, pour dire par rapport au sens général du hadith, le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali, yani lamma balagha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أن معاذا يطيل القراءة حين يأم قومه أرشده إلى التخفيف ما دام إماما وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لأنه يؤتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم بالتخفيف أما إذا كان المرء يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu prolongeait la récitation dans la prière et que c'était trop long, hein, lorsqu'il allait diriger la prière pour les gens dans son quartier ou là où il habitait, hein, il récitait des sourates très très longues. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté à alléger ses prières. Et du moment qu'il était imam, hein, qu'il devait alléger sa prière pour les gens pour que cela ne soit pas trop dur et trop difficile. Alors, il lui a donné des exemples de sourates qu'il pourrait réciter, et il lui a mentionné certaines sourates parmi les mutawassit al-mufassal, c'est-à-dire les courtes ou bien celles qui sont moyennes parmi les courtes sourates qui sont à la fin du Coran. Et parmi les sourates qu'il a mentionnées, il a mentionné Sabbih isma rabbika al-a'la, donc sourate al-a'la, et sourate al-shams, wal-shamsi wal-duhaha, et sourate al-layl, wal-layli idha yaghsha. Pourquoi? Parce que derrière, hein, quand tu es imam, derrière toi il y a des personnes âgées, derrière toi il y a des gens faibles, derrière toi il y a aussi des gens qui ont des commerces ou qui ont des occupations. Donc il faut tenir compte de ça. Et si tu récites des prières trop longues, eh bien ça devient lourd pour eux, ça devient difficile pour eux. Donc il faut avoir de la douceur envers ce genre de personnes et envers eux. Et il est recommandé de tenir compte de ces gens-là en allégeant la prière. Hein? Et aussi, le cheikh, il dit, parce que le musulman, s'il prie tout seul, comme par exemple, quelqu'un fait des prières surérogatoires, ou bien s'il prie tout seul dans une situation quelconque, s'il veut prolonger, il peut prolonger comme il veut. S'il veut faire sa prière durer une heure, hein, il peut faire sa prière durer une heure. S'il veut réciter Al-Baqarah, il peut réciter Al-Baqarah, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a des gens derrière lui, il ne doit pas faire en sorte que la chose devienne trop difficile et trop lourde pour eux. Hein, parce que ça peut avoir des effets mauvaises. Et parmi les exemples que j'ai mentionnés, comme le fait que certaines personnes risquent de fuir de la mosquée, ils vont dire, ah lui, il va prier, je vais rester une demi-heure derrière lui, après j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, je souffre. Hein. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes de dos, il y a des gens qui ont des problèmes dans les jambes, il y a des gens qui ont toutes sortes de situations, il faut tenir compte de ça. Il y a des gens aussi qui travaillent, il y a des gens qui ont des commerces, il y a des gens qui ont des occupations, ils ne peuvent pas se permettre ça. Le cheikh, il dit, « Al-ahkam al-ma'khouzati min al-hadith. » Quelles sont les règles qu'on peut tirer de ce hadith? Le cheikh, il dit, « Anna al-mutawassit fi al-qira'ati fi al-salati hadhi suwar al-mazkura fi al-hadithi wa amthaliha. » Donc, il dit, qu'est-ce qui est modéré ou moyen dans les sourates qu'on doit réciter dans la prière sont les exemples des sourates qui ont été mentionnés dans ce hadith. Et des sourates semblables. Ensuite, il dit deuxièmement, ثانياً أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال اهتمامهم به. Donc, il dit que il est recommandé pour l'imam de tenir compte des personnes faibles en allégeant sa prière lorsqu'il prie derrière lui et lorsque lui prie comme imam avec eux. Peut-être que si par exemple quelqu'un il est imam, lui il récite parce que sa foi, hein, il a une foi qui est grande ou bien il a une foi qui est forte et en même temps physiquement il est fort et en même temps il a mémorisé beaucoup du Coran et il se sent à l'aise, hein, et ça lui fait du bien, il aime ça prier des longues prières, des longues sourates. Ça, c'est bien pour la personne qui est comme ça. Mais le problème, il ne faut pas juste penser à soi-même, il faut tenir compte des autres. Il faut tenir compte des personnes aussi qui prient derrière toi. Donc peut-être que toi, tu es dans cette situation-là ou dans cet état-là, mais peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde qui sont derrière toi. Hein? Donc il faut penser à ça. Si toi, tu te sens bien et tu as la foi par rapport à ça, alors fais ces choses-là lorsque tu pries tout seul. Lorsque tu fais tes prières de nawafil, tes prières surérogatoires ou autres. Et c'est ça qui est bizarre parfois, des gens qui prient des prières très très longues lorsqu'ils sont dans la prière, par exemple en jama'a, ils vont prier des prières très très longues, mais quand ils vont prier seuls, par exemple, eh ben ils vont pas prier des prières aussi longues, ils vont prier des prières plus courtes. Hein. Donc, s'ils veulent absolument prier des prières très longues, alors qu'ils prient, yani, ces prières longues lorsqu'ils prient en dehors de la prière obligatoire en jama'a, lorsqu'ils ne sont pas imams. Le cheikh, il dit, comme point numéro 3, أن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تجب إليهم ولاتهم وأعمالهم. Donc le cheikh, il dit, la bonne politique, la bonne gestion des gens, c'est d'agir avec eux selon la douceur et selon la douceur et la rifq wal-lin, la douceur et la gentillesse. Et c'est ça la bonne politique, la politique qui est droite et la gestion qui est droite. Et c'est ça qui est obligatoire pour eux. Hein, pour les gens qui sont dirigeants ou les gens qui sont imams ou les gens qui ont une responsabilité, c'est obligatoire pour eux d'avoir cette attitude-là avec les gens, d'être doux et d'être gentil et miséricordieux avec les gens pour penser à leur bien-être. Il dit wa rabi'an husn ta'lim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mulatafatu idha khataba mu'adhan bi sighati al-'ard. Il dit le bon comportement, le bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa douceur lorsqu'il s'est adressé à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu en lui parlant comme s'il lui faisait une proposition, hein, comme s'il lui proposait quelque chose, alors que il lui dit par exemple falawla sallayta bi kada wa kada, donc il lui dit, il lui fait une proposition, pourquoi ne prierais-tu pas avec telle ou telle sourate plutôt que al-Baqarah. Et en note de bas de page, il y a la mention du fait que il ne lui a pas parlé avec douceur de façon complète, puisque son attitude nécessitait et méritait d'être critiquée et condamnée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère avec lui, même qu'on dit que à ce moment-là il était très fâché de l'attitude de Mu'adh radiyallahu anhu. Et il lui a dit, hein, fattanun, fattanun, fattan. Hein, c'est comme si en voulant dire, toi, tu veux éprouver les gens, tester. C'est comme si tu veux faire la difficulté pour les gens dans leur religion. Hein, et il a répété cette parole plusieurs fois, ce qui inspire et ce qui laisse comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement fâché. Hein, extrêmement fâché. Et il y a la parole aussi de Abu Sa'id al-Khudri dans ce, par rapport à ce hadith-là, qui dit فَمَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ مِثْنَ غَضَبِهِ ذَلِكَ. Dit Abu Sa'id, il dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant en colère que dans cette exhortation, hein, quand il a parlé avec Mu'adh radiyallahu anhu. Donc, malgré qu'il lui a parlé d'une manière pour lui montrer qu'il était en colère avec lui, mais en même temps il est en colère avec lui, mais il l'oriente, hein, avec patience, avec douceur, et il lui explique qu'est-ce qui est le mieux à faire en tant qu'imam, hein, lorsqu'il est dans cette situation-là, de prier avec des sourates qui sont modérées, qui sont moyennes et non pas trop longues. Ensuite le cheikh il dit رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته لا سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات. Donc il dit, on voit la compassion du prophète صلى الله عليه وسلم envers sa umma, et comme en particulier ceux d'entre eux qui sont faibles et ceux d'entre eux qui ont des occupations, des besoins. Donc ça c'est un exemple de ce point-là. Donc ça c'est un point qui est important par rapport à cet exemple-là. Puis il y avait un exemple aussi qui m'était venu à l'esprit par rapport à ce hadith aussi. Parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith, mais qui sont pas nécessairement reliés à ce sujet-là, il y a le fait que c'est permis pour quelqu'un de prier derrière une personne qui ne prie pas avec la même intention que toi. Et l'exemple dans ce hadith-là qui prouve ça, c'est le fait que Mu'adh radiyallahu anhu, il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière obligatoire. Donc il priait avec lui la prière obligatoire de Isha. Quand il retournait dans son quartier, il priait avec les gens en tant qu'imam. Donc lui, pour Mu'adh, cette prière qu'il faisait, c'était la prière surérogatoire. Tandis que les gens qui priaient derrière lui, eux, c'était la prière obligatoire. Donc ça, c'est ce qui prouve que quelqu'un peut prier derrière un imam, même s'il n'a pas la même intention que cet imam-là dans sa prière. C'est-à-dire, l'imam prie une prière surérogatoire et toi tu pries l'obligatoire, ou le contraire, l'imam prie la prière obligatoire et toi tu pries une prière surérogatoire, ou bien des fois ça peut être une différente intention que celle de l'imam. Si par exemple l'imam prie une prière, par exemple de la prière de Zohor, puis toi tu pries la prière de Zohor, ou bien par exemple si c'est la prière de Asr, puis toi tu n'as pas encore fait le Zohor, donc tu pries derrière l'imam qui fait Salat al-Asr, toi tu fais Salat al-Zohor. Hein? Par exemple, ça peut arriver des exemples comme ça. Et ça c'est permis. Maintenant, on est arrivé à au hadith suivant, le hadith numéro 100, le hadith al-Mi'a. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit, an Anas radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Donc ici ce hadith, c'est selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que Abu Bakr, de même que Omar radiyallahu anhuma, lorsqu'il récitait, lorsqu'il faisait la salat à haute voix, eh bien il ne débutait pas la salat par bismillahir rahmanir rahim. Donc dans cette première narration de Anas ibn Malik, il dit, Anas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, ils débutaient la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ça s'est rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre narration, il dit, j'ai prié avec Abu Bakr et Omar et Uthman. Et je ne les ai jamais entendus réciter Bismillahir Rahmanir Rahim dans la prière. Et, une autre narration qui est rapportée selon Muslim, il dit, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar et Uthman, radiyallahu anhum, et ils débutaient la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ils ne mentionnaient pas Bismillahir Rahmanir Rahim, ni au début de la récitation, ni à la fin. Et donc le cheikh, il explique ici que la signification générale de ce hadith, المعنى الإجمالي, يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لا مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا في أول القراءة ولا في آخرها وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il explique que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hein, c'est un des sahaba qui a vécu parmi les plus longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même que on dit qu'il a vécu plus que 100 ans, radiyallahu anhu. Et il a été donc parmi les sahaba qui ont vécu le plus longtemps, ou la plus longue période. Et donc il était vivant pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période, pendant également la période des khulafa rachidin, Abu Bakr, Omar et Uthman. Et avec la longue le fait qu'il a été un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant très longtemps, il a été présent également pendant le khilafa de Abu Bakr, de Omar et de Uthman. Il a dit, je ne les ai jamais entendus, aucun d'entre eux, réciter Bismillahir Rahmanir Rahim dans la salat, ni au début de la récitation ni à la fin. mais il débutait toujours la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Donc ça c'est un point important, et il y a parfois des divergences entre les ulama sur cette question. On va donc clarifier ces divergences-là dans les paroles de Cheikh Abdullah Al-Bassam. Donc le Cheikh Abdullah Al-Bassam, il parle de ces divergences-là. Il dit « Ikhtilaf al-ulama ». ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها. Donc il dit que les imams, trois grands imams, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmad, ils ont l'opinion, ils ont pris l'opinion qu'il était recommandé de réciter le basmala dans la salat. Toutefois, l'imam Malik, rahimahullah, lui, il a pris l'opinion qu'il n'était pas légiféré de la réciter. Il dit « Wastadalla Malik bi ba'd ar-riwayat fi hadith Anas la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim في أول قراءة ولا في آخرها ولأنها عنده ليست آية من القرآن. Donc il dit, il s'est basé l'imam Malik pour justifier sa position que ce n'est pas légiféré de réciter la basmala, les narrations qui mentionnent dans le hadith de Anas qu'il ne mentionnait pas Bismillahir Rahmanir Rahim ni au début ni à la fin de la récitation. Et il dit, et également le fait que pour lui, elles ne font pas partie des versets du Coran. C'est-à-dire qu'il considérait que Bismillahir Rahmanir Rahim ne faisait pas partie du Coran, mais que c'était, hein, que c'est quelque chose qui a été ajouté pour séparer entre les sourates. Donc ça, c'est une opinion parmi les opinions des ulama sur ce sujet-là. Il dit « وَاسْتَدَلَّ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَيْثُ صَلَّى فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّينَ حَتَّى إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةِ قَالَ إِنِّي لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Il dit que les trois imams, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmad, eux ont utilisé comme argument et comme preuve pour justifier, hein, et supporter la légalité ou la permissibilité de réciter Bismillahir Rahmanir Rahim de nombreux hadiths. Et parmi ces hadiths-là, un hadith qui est rapporté par selon Abu Hurayra radiallahu anhu, lorsqu'il dit que lorsqu'il a fait la salat, il a récité Bismillahir Rahmanir Rahim jusqu'à Walad Dallin dans Surat Al-Fatiha, et il dit jusqu'à ce qu'il complète la salat, et il a dit à la fin, et c'est moi qui ressemble le plus, hein, dans sa salat au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي وذهب إلى مشروعية الإصرار أبو حنيفة وأحمد واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا أو مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن وبمد الرحيم ورواه البخاري وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضا فقال كان يقرأ كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود. Donc ici le cheikh il explique que ensuite les ulama ils ont divergé au sujet de le verdict de le réciter à voix haute, c'est-à-dire de réciter le Bismillahirrahmanirrahim à voix haute dans la salat. Est-ce qu'on doit le réciter à voix haute ou bien on doit le réciter à voix basse, le basmala, hein, dans la prière lorsqu'on récite à voix haute, comme le Fajr et le Maghrib et l'Isha. Donc il dit que parmi les imams, l'imam al-Shafi'i, lui, il a pris la position qu'il fallait, on pouvait réciter le basmala à voix haute. C'est-à-dire que lorsqu'il commence la salat, il va dire à voix haute Bismillahirrahmanirrahim, puis après il va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Tandis que Abu Hanifa et Ahmad, eux, ils ont pris l'opinion que il faut le dire à voix basse, le basmala. Et l'imam al-Shafi'i, il s'est basé sur quoi pour dire qu'on peut dire le basmala à voix haute? Il s'est basé sur le hadith de Anas, lorsqu'on lui a posé la question au sujet de comment était la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a mentionné que, hein, il prolongeait sa récitation. Puis il lui a donné l'exemple en récitant yani Bismillahirrahmanirrahim, et il a prolongé Bismillah, il a prolongé Ar-Rahman, il a prolongé Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, hein, comme s'il prolonge. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Tandis que il y a un hadith aussi rapporté selon Salama radiyallahu anha, dans lequel elle a été questionnée au sujet de sa récitation, elle aussi, la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle aussi, et elle a répondu qu'il coupait chaque verset, c'est-à-dire il séparait chaque verset, dans le sens qu'il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Comme par exemple, il récitait Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din. Donc il ne récitait pas la sourate d'un seul coup, comme certains le font parfois. Hein? Il y en a qui récitent comme ça, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din. Donc il récite plusieurs versets sans s'arrêter entre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ça. Il récitait verset par verset. Hein? Donc c'est ça un exemple aussi dans l'exemple de la sunna, mais l'argument de l'imam al-Shafi'i ici, c'est que elle a commencé par le fait de mentionner le basmala, hein? Elle a commencé par le bismillahirrahmanirrahim, et le cheikh il dit وَلَا يَتِمُّ لِلشَّافِعِي بِهَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَأَمْثَالِهِمَا إِسْتِدْلَالٌ فِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى صِفَةِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. Donc ici le cheikh Al-Bassam il explique que dans la parole, dans les hadiths qu'on a récités, le hadith de Abu Huraira, le hadith de Anas que l'imam al-Shafi'i a utilisé comme argument, et le hadith de Salama, dans lequel on a la description de la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le cheikh, il dit, dans ces hadiths-là, l'imam al-Shafi'i n'a pas de preuve pour supporter qu'on doit réciter le basmala à voix haute. Pourquoi? Parce que ces deux hadiths-là qu'on a lus sont uniquement des hadiths qui indiquent que comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la salat, et non pas qu'il récitait le basmala à voix haute dans la salat. Ensuite, le cheikh al-Bassam, il dit, « قال شيخ الإسلام ابن تيمية » روينا عن الدارقطني أنه قال أو روينا عن الدارقطني أنه قال لم يصح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث. Il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, on a rapporté, selon Ad-Darqutni, un des imams du hadith, qu'il n'y a rien d'authentique comme hadith au sujet de la récitation à voix haute du basmala de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la récitation du basmala à voix haute. Et il dit wastadalla al-imaman Abu Hanifa wa Ahmad bi ahadith al-bab قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر فأنس صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وصحب الخلفاء الثلاثة 25 سنة وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها. Donc, le cheikh il explique ici que les deux autres imams, Abu Hanifa et l'imam Ahmad, ils ont utilisé comme preuve pour justifier qu'il ne faut pas réciter le basmala à voix haute dans la salat, le hadith qui est mentionné dans ce chapitre, rapporté selon Anas ibn Malik. Parce que dedans, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les trois khulafa Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum, ils ne récitaient pas le basmala pour commencer la salat. Ils récitaient uniquement à voix haute Alhamdulillah Rabbil Alamin, tandis que le basmala ils le récitaient uniquement à voix basse. Ensuite, le cheikh il a cité une parole d'un des ulama, Ibn Daqiq al-Aid, qui dit lui, ce qui est certain, hein, de par ce hadith-là, le hadith de Anas, c'est qu'il ne faut pas réciter le basmala à voix haute. Et Anas, radiyallahu anhu, a été le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Et il a été le compagnon des khulafa, c'est-à-dire il a accompagné les Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakr, Omar et Uthman, pendant 25 ans. Et il priait derrière eux toutes les prières. Donc si ils avaient récité le basmala à voix haute, ils l'auraient su, ils l'auraient rapporté. Hein? Et il dit وَيَحْمِلُونَ نَفْيَ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى عَدَمِ الْجَهْرِ بِهَا وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَدِلَّةِ وَيَحْصُلُ الْعَمَلْ بِهَا جَمِيعًا. Donc il dit le cheikh que les ulama Abu Hanifa et Ahmad ils prennent le sens de la négation de la récitation du basmala dans le hadith de Anas, hein, dans certaines des narrations, comme étant le fait qu'il ne le récitait pas à voix haute et non pas qu'il ne le récitait pas du tout. Et c'est ainsi qu'on peut rassembler et réunir toutes les preuves à ce sujet-là. C'est-à-dire de rassembler les hadiths qui mentionnent la récitation du basmala, en disant que bon, là ça veut dire qu'il le récitait à voix basse, et les hadiths qui mentionnent qu'il ne récitait pas le basmala, ça veut dire qu'il ne le récitait pas à voix haute. Et c'est donc, on arrive à comprendre et à réunir les preuves sur cette question-là, de cette manière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith ? « Ma yu'khadhu min al-hadith »« Mashru'iyyatu qira'ati bismillahi ar-Rahman ar-Rahim »« Ba'da l'istiftahi wa ta'awwudhi qabla al-fatiha » Donc, il dit, qu'est-ce qui est légiféré dans la récitation du basmala, « Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim » après l'istiftah, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est légiféré de réciter le basmala après l'istiftah, le dua à l'istiftah, et après avoir dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, quand tu commences la salat, tu fais le dua de l'istiftah, سبحان ربك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ça c'est un parmi les du'as de l'istiftah. Puis après tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tout ça tu dis à voix basse. Puis quand tu as fini tu dis بسم الله الرحمن الرحيم à voix basse encore. Puis là tu commences la Fatiha. الحمد لله رب العالمين à voix haute lorsque c'est une prière à voix haute. Il dit dans le point numéro 2, أن تكون قراءتها سرا ولو في الصلاة الجهرية. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est que le basmala doit être récité à voix basse, même dans la prière qu'on récite à voix haute. Et le point numéro 3, أن البسملة ليست آية من الفاتحة. Il dit le cheikh que qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le basmala n'est pas un verset parmi les versets de la Fatiha. Et on a déjà parlé au sujet du fait que les ulama ils divergent sur cette question-là, et que parmi les ulama il y en a qui disent que la Fatiha fait partie des versets le basmala fait partie des versets de la Fatiha, et qu'il y en a d'autres qui disent que non, elle ne fait pas partie des versets de la Fatiha, mais que elle est mise au début de la sourate pour comme on le met pour séparer chaque sourate. Et ceux qui mentionnent que la Fatiha n'est pas un verset de la le basmala n'est pas un verset de la Fatiha, eux ils considèrent que le dernier verset اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, et ben ce verset là il est divisé en deux, c'est-à-dire il est séparé en deux. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, ça c'est صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais juste retourner pour vous dire clairement. Donc c'est ça. Ceux qui calculent pas, comme c'est le cas dans le mushaf qui est mentionné, qui est le mushaf de Médine, voyez que le chiffre 1, il est écrit après le Bismillahirrahmanirrahim. Donc ça veut dire que eux, ils ont calculé 7 versets, parce que la Fatiha elle a 7 versets. On l'appelle As-Sab'ul Mathani, les 7 versets. Il dit ici dans cet exemple-là, on voit que le basmala est calculé comme étant un verset Bismillahirrahmanirrahim. Et le dernier verset, le verset 7, c'est Sirat alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tandis que ceux qui calculent pas la Fatiha, le basmala comme étant un verset dans la Fatiha, eux ils calculent que la sourate commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc ça c'est le verset 1, et le verset 2 c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, alaykoum salam. Le verset 3 c'est Maliki Yawmiddin, le verset 4 c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le verset 6, c'est Ihdina as-sirata al-mustaqim. Non, le verset 5, c'est Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le verset 6, c'est Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Et le verset 7, c'est Ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. D'accord? Donc, le verset 7, ceux qui ne calculent pas le basmala comme étant un verset dans la Fatiha, et le dernier verset est séparé en deux pour eux. D'accord? Naam. Ok. Maintenant, on vient de conclure. Donc, les deux hadiths qui nous restaient à mentionner par rapport à la récitation dans la salat. Donc, on a terminé ce chapitre. Maintenant, on arrive à un nouveau chapitre. On va pas le commencer aujourd'hui. On va le laisser pour le prochain cours. C'est un bab au sujoud et sahou. Bab au sujoud et sahou. Et ça, c'est-à-dire pour réparer les erreurs d'inattention ou bien les distractions dans la salat. Donc, comment on répare nos erreurs dans la prière. Donc, ça, c'est le chapitre. Lorsqu'on oublie quelque chose ou lorsqu'on a laissé quelque chose ou des choses comme ça, on va parler de ça au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.